Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Perdre l'Europe, une série de Christine Le Cerf, réalisée par Franck Lilin. Au départ de cette série, il y a des élections européennes, un sentiment de catastrophe et la peur de voir les extrêmes tout emporter. Il y a des pays voisins, proches et lointains, et les livres qui nous lient. Et puis surtout, il y a l'histoire qui laisse des trous béants à partager et des murs qui n'empêchent pas les idées de circuler et finissent par tomber. Alors pour commencer, les personnages. Un homme dans une école, une fillette qui ne comprenait pas, un homme enfermé dans son pays, des artistes qui maintiennent le fil, un couple qui était communiste, un Pragois échappé, un homme qui n'a pas vu 68, une femme à l'anniversaire gâché, un homme parti le lendemain et un autre qui découvre tout au réveil. Ensuite, le décor. Un globe terrestre, le nazisme, la mort de Staline, la manipulation, la peur, une chanson qui fait tout trembler, la curiosité, la voix d'Imre Nagy, des rues en révolution, des lendemains qui chantent faux, le scepticisme, l'œil du canon et des frontières franchies. Aujourd'hui, 3e épisode, on se souvient des objets. La maison était entourée d'une clôture, coupée de tout ce qui était étranger, de tout ce qu'il fallait craindre. L'espace de mon enfance, c'était cette ville, à la géographie tracée en lignes noires et rouges. Noir, parce que j'ai le souvenir d'un globe terrestre noir. Me l'avait offert lorsque j'avais 6 ans. Nous habitions à l'école. Ce globe terrestre était probablement de fabrication allemande. Il reproduisait tous les contours des frontières voulues par le Troisième Reich, qui couvrait alors toute l'Europe. Par souci pédagogique, on avait recouvert ce globe de noir, créant ainsi un autre monde. Ce globe était pour moi une terra incognita. À la craie, on pouvait y dessiner les continents. Et des frontières commençaient à apparaître. Je traçais avec volupté les frontières de mon pays, de mon royaume, qui devenait un rêve, cerné par un monde ennemi. Perdre l'Europe. Des murs dans la tête. Par Christine Le Cerf et Franck Lilin. La peur, c'est la première chose que je me rappelle, parce que sous la table, dans le salon de notre appartement, j'écoutais les grands chuchoter les noms de ceux qui ont été exécuté dans les grands processus politiques. Sylvie Richterova. Alors, je percevais surtout la peur. Je percevais qu'il y avait quelque chose. Je savais qu'il y avait des noms qu'il ne fallait pas dire à haute voix. J'ai aussi le souvenir des funérailles de Staline. J'étais petite et c'était très fort parce que tout le monde pleurait et moi, qui savais presque rien. J'étais 7 ou 8 ans, mais dans certaines mesures, je voulais participer à cette tragédie mondiale qui pouvait signifier de nouveau des tragédies de guerre, etc., avec cette mort. Et alors, plus tard, quand j'ai commencé à comprendre quelle était la vérité sur toutes les choses idéologiques, alors je me suis sentie même manipulée déjà si petite. Angst. La peur. Das ist ganz einfach. La peur, c'est un processus très facile à décrire. Angst vor etwas. C'est très concret. La peur d'être emprisonné, par exemple, d'être dénoncé ou d'être renvoyé de son travail. Ce sont des choses très concrètes. Peter Nadasch. Qui génèrent en continu cette peur, ce tremblement. Angst und Zittern. Cette angoisse permanente qui engendre aussi un comportement opportuniste, une sorte de soumission forcée au système, une adaptation obligée au silence. Quand on doit se taire en permanence, cela descend directement dans l'estomac. Cela s'infiltre à l'intérieur des muscles, le long de la colonne vertébrale et derrière la nuque. Chez les femmes, ça provoque plutôt des maux de tête. Elles s'en plaignaient constamment. Ces sensations de peur privent le corps de tout sentiment de plaisir. Ohne Lust. Das ist eine düstere. C'est le côté noir du corps. Lust bleibt nur le plaisir reste un souhait, un fantasme, ou bien il n'existe que le temps de quelques instants volés. Gestohlene Augenblicke. Christiane Lupa. Mogę powiedzieć, że to miejsce zamknięte był to rodzaj klatki, z której ciągle chciałem się wymykać. Constituait à mes yeux une sorte de cage dont je voulais sans cesse m'échapper. No nie dość, że prawda, jakby powiedzieć, ta przestrzeń powojenna była taką rzeczywistością, która jakby skłaniała do poussait la nuit à surveiller non seulement notre territoire, w nocy mais aussi notre chambre. Terytorium swojego pokoju. Et les rêves faisaient irruption, tels des intrus qui forcent une porte mal fermée. Et qui sont nie dość zamknięte. Te sny do tej pory się pojawiają. Ces rêves ne m'ont jamais quitté. Zawsze jestem w tym pierwszym mieszkaniu, w tym szkolnym mieszkaniu, w którym. Je suis toujours dans la maison de l'école où j'habitais enfant. I to jest coś takiego, takie poczucie, że j'ai toujours le sentiment qu'un danger informe m'y attend. To coś, powiedziałbym, wrogiego, to coś zabójczego jakiegoś, jakaś bestia. Un monstre qui prend diverses formes. Przyjmowała rozmaite kształty. Ten świat utopijny, Juskunia, to było właściwie, nazwijmy to, taka przestrzeń wolności, w którą się wyrywałem. Ce monde utopique que je me suis créé était pour moi l'espace de liberté vers lequel je m'évadais. Kolegami uprawialiśmy. J'ai imaginé ce territoire dans le jardin avec mes amis derrière des buissons. Za gęstymi zaroślami, gdzie nikt nie widział. Nous avons inventé notre pays de substitution dans la clandestinité. Namiastka tego kraju, prawda? A zatem można powiedzieć zawsze z zamknięciem. Le besoin de fuir sans cesse n'est-il pas lié à l'enfermement? Trzeba ucieczki z tego zamknięcia. To zamknięcie człowiek, który mais l'homme cherche l'enfermement malgré lui, ne serait-ce que pour sa propre sécurité. Chce się zamknąć na klucz, żeby il veut s'enfermer à double tour, mais se sent aussi victime de cet enfermement. Zaczyna czuć się ofiarą tego zamknięcia, prawda? Im bardziej jakby plus il a peur, boi, tym bardziej plus il aspire à la liberté. Kiedy z kolei jakby powiedzieć, rzuca się. Et lorsqu'il conquiert cette liberté, il éprouve la crainte étrange de pouvoir en jouir. dziwne ryzyko tego wyjścia na wolność. Jednym słowem, jakby powiedzieć, jest to nieustanna gra sprzeczności, nieustanne dwa bieguny, powiedziałbym, deux pôles opposés se développent à l'intérieur de notre moi, rozwijają się et engendrent telle ou telle personnalité, osobowość, telle ou telle maladie. Możemy powiedzieć, w taką, a nie inną chorobę. Je ressentais une véritable coupure entre ce qui se passait à la maison et dans le monde extérieur. Cette coupure n'était pas forcément de nature politique. Je n'aimais pas l'école maternelle et pas plus l'école primaire, même si je ne rencontrais pas véritablement de problèmes. Mais plus je grandissais, plus je ressentais cette coupure entre la maison et le monde officiel. Ingo Schulze. Wenn man nach der Mauer geboren worden ist, et quand on est né avec le mur, hat sich die damals zweigeteilte Ost-West-Welt einem als das la division entre Est et Ouest semblait une chose tout à fait normale. Auch wenn ich einmal Rentner sein werde, wird es natürlich immer noch so zweigeteilt sein. J'ai d'ailleurs toujours cru que lorsque j'aurai atteint l'âge de la retraite, le monde serait toujours séparé en deux. Comment dire? Ce qu'il y avait de pire en Allemagne de l'Est, c'était de n'avoir aucun vis-à-vis, aucune possibilité de comparaison. L'affaire Wolf Biermann a été un événement marquant pour moi. Je n'avais jamais entendu ce nom auparavant. J'avais 13-14 ans à l'époque. On n'avait aucun disque, aucun enregistrement de cet artiste à la maison. Et tout à coup, un flot d'articles haineux s'est déversé dans la presse. Un certain Wolf Biermann, chansonnier, avait fait un concert à l'Ouest. Je n'avais aucune idée de ce que cela pouvait signifier. Mais je venais de prendre conscience du pouvoir des mots, de la puissance des paroles d'une chanson, et plus largement du pouvoir de la littérature et de l'art. Je venais de comprendre qu'il suffisait de deux ou trois poèmes pour ébranler tout un pays, et que la force des mots était telle qu'on pouvait être déchu de sa nationalité pour les avoir prononcés. Inconsciemment, j'avais fait du dessin de Wolf Biermann un modèle. Von Wolf Biermann so ein Modell. C'est un point très intéressant. Les relations de l'Europe centrale et orientale avec le patrimoine culturel européen. En effet, rien n'obligeait les Européens de l'Ouest à s'intéresser à l'Est. Bien au contraire, ils considéraient cet espace comme quelque chose d'insignifiant. Tandis qu'ici, à l'Est, la curiosité est l'un des éléments de notre survie. Malgré la censure, malgré toutes les barrières, nous continuions à suivre ce qui se passait à Paris, à Londres ou à New York au plan culturel. Les musiciens, comme les écrivains, ne pouvait faire autrement que de regarder dans cette direction. Et je dois dire qu'ici, nous connaissons bien mieux la culture européenne. Nous avons une bien meilleure représentation de ce patrimoine commun qu'à Paris où cette connaissance est bien plus limitée. Viel begrenzter kennt. Dans la guerre, j'étais déjà, j'habitais Timișoara. Déjà, c'était la capitale de la région. Et à Timișoara, j'ai entendu déjà le concerto de violon de Bartók. Mais naturellement, on ne savait rien de l'Ouest. Jörgi Kurtág. C'est une sorte de voyage de découvrir les choses. Depuis que j'ai reçu de ma professeure de piano les poèmes de Verlaine, je les ai copiés. Et même, j'ai copié et copié, sans comprendre immédiatement les choses. En tout cas, j'ai copié aussi pas mal de choses. Ma première rencontre avec quelque chose comme l'opéra, c'était le colloque sentimental. Cette génération était l'Europe. Cette génération était l'Europe. Peut-être, oui. Oui, absolument. Absolument. C'était très normal. En général, les jeunes minoritaires de Timișoara et même de la région allaient à l'université de Budapest. C'était la chasse aux cafards chaque nuit. Jusqu'aujourd'hui, ça me provoque des malaises. J'étais persuadé du communisme. J'y croyais quand Staline est mort. Pour moi, c'était le grand deuil et aussi la grande peur. Qu'est-ce qu'il sera après, si ça sera la guerre ou non. Mais en même temps, c'est un fait que nous ne savions pas rien des champs de concentration en Hongrie. Je ne sais pas, on était isolés. Et seulement plus tard qu'on a appris. Ça s'est passé graduellement. Budapest, 1956. Le président Imre Nagy s'adresse aux Hongrois. Natürlich habe ich sehr gute Erinnerungen, sehr genaue Erinnerungen. J'ai des souvenirs très précis de cette période, cela va de soi. Des souvenirs qui sont restés profondément ancrés dans ma mémoire. Je pense qu'avec 1956, on a assisté à la dernière grande révolution européenne sur le modèle et dans l'esprit de la Révolution française. Le peuple est descendu dans la rue. J'avais 15 ans à l'époque. Et ce fut pour moi un événement énorme, vraiment bouleversant. Les mouvements s'étaient déjà dessinés depuis l'été. Il y avait eu des appels, des rassemblements. Toute la société bouillonnait. Mais ce jour-là, tout le monde est descendu dans la rue. En une minute, des centaines de milliers de gens se sont rassemblés dans les rues, partageant les mêmes revendications, ou presque. Je dis presque parce qu'il y avait de tout dans cette insurrection. Des fascistes aux ultra-communistes qui étaient opposés à cette marche. Tout le monde était dans la rue. Le président Imre Nagy a ensuite pris la parole et s'est adressé à la foule. Il a dit « camarades ». Alors la foule, pas moi parce que j'étais tellement choqué par ce terme que j'étais resté muet. La foule s'est donc écriée d'une seule voix « Nous ne sommes pas des camarades ». Wir sind keine Genossen. Le président a tenté un autre terme, mais ça ne plaisait toujours pas à la foule. Andere Anrede. Und das gefiel auch die Menge nicht. Und dann hat Alors, il a finalement repris une vieille expression du 19e, du printemps des peuples. Il a dit citoyen. Citoyen. Und das stimmt. Wir sind citoyen. Et là, ça a marché. Wir sind Bürger. Nous étions tous des citoyens. C'était vraiment fantastique, du moins au début. Les moments qui ont suivi m'ont ensuite profondément ébranlé. Parce que j'ai vu des gens se faire lyncher, se faire tuer dans la rue. Les chars russes patrouillaient dans les rues et tiraient sur tout ce qui bougeait. J'ai été témoin de tout cela. Et je l'ai décrit plus tard dans l'un de mes romans. C'était une expérience bouleversante qui a profondément marqué ma vision du monde. À ce moment, tout mon monde s'est écroulé. Parce que quand on a commencé à tirer, j'ai eu envie de me présenter pour combattre les révolutionnaires. J'ai eu envie. Et deux semaines plus tard, quand les Russes sont revenus, c'était le contraire. C'est, la veille, on voulait fonder un théâtre d'avant-garde avec c'était Ligeti encore. Et tout s'est écroulé. Alors Ligeti a dit, si on veut composer, on ne peut pas rester là. Il faut se méfier du discours qui vise à lisser les expériences communistes dans le bloc dit de l'Est. L'expérience hongroise n'est pas la même que l'expérience polonaise, qui n'est pas la même que l'expérience tchécoslovaque. C'est très dangereux de penser que parce que ils étaient tous dans un bloc, ils ont eu la même histoire. C'est aussi absurde que de considérer que l'expérience capitaliste de notre côté du rideau de fer fait qu'on peut faire l'amalgame entre ce qui s'est passé en Angleterre, en France, en Italie. Donc, Clara Royer. On a bien vu qu'en réalité, il y a eu des espaces de négociation, il y a eu des spécificités d'un pays à l'autre. Si on regarde seulement l'histoire de la littérature de ces pays, on se rend compte qu'en réalité, le rideau de fer laisse passer énormément de choses. Le nouveau roman est débattu partout en Europe. Le rideau de fer n'empêche pas un certain nombre d'idées de passer. L'existentialisme, qui bien sûr n'est pas apprécié par le régime, ça passe aussi. Il y a beaucoup de choses qui passent en réalité. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut affiner un peu la perception que nous avons de ces sociétés. En 1968, j'étais d'abord ici même à Prague. D'ailleurs, les événements qui se déroulaient faisaient que, pour une fois, on n'était pas trop mécontent d'être là, sur place. Petr Kral. Mais je ne suis pas resté jusqu'à la fin de l'année, parce que, comme vous le savez, en août, il y a eu une mauvaise surprise, et là, il fallait réagir très vite. Mais c'était comme ça, c'était une année curieuse, en tout cas. On ne sait pas, en tout cas moi je ne me posais même pas la question d'où le mouvement, si on va l'appeler comme ça, de 68 était né, d'où c'était venu. J'ai pris ça comme une chance. J'étais relativement fataliste, on peut le dire, et donc voilà pour une fois quelque chose de, j'allais presque dire l'avenir sourit, et non. Mais disons que les journées commençaient à sourire d'une autre manière, parce que, évidemment, avant, elle souriait aussi. Mais disons, dans un espace clos, dans un espace enfermé, alors que là, l'espace s'ouvrait. Et je ne me demandais pas d'où ça venait, je le dégustais, tout simplement. L'année 68 était européenne pour moi, d'autant plus que j'avais déjà des amis en France. Et qu'à l'époque, j'étais un jeune gauchiste qui croyait que l'avenir, enfin, allait s'ouvrir pour tout le monde. Les lendemains qui chantent, presque pas tout à fait. J'étais quand même un peu plus sceptique. Quand on est né ici, à Prague, on est un peu plus sceptique même à l'égard de choses comme ça. Mais bon, je pensais en Européen à ce moment-là, tout à fait naturellement. Je n'étais pas seul, non ? Parce que l'impression que le mur qui coupait l'Europe en deux allait s'écrouler, c'était bien, bien trop tôt. Penser comme ça, mais ça ouvrait les horizons, ne serait-ce que mentalement. Et pas seulement mentalement, parce qu'on commençait à pouvoir se déplacer sans problème. Le mouvement de 1968, on le retrouve en Tchécoslovaquie, bien sûr, en Pologne. Étienne François. Beaucoup de ceux qui sont les acteurs et les avocats de la rénovation de 68 dans les pays d'Europe centrale et orientale sont extrêmement critiques à l'égard du communisme, et pas seulement du stalinisme. Alors que dans l'Europe occidentale, on devient de plus en plus critique à l'égard du stalinisme, mais pas du tout à l'égard du communisme. L'admiration pour Mao Tse-Tung est quelque chose qu'on trouve en France, en Italie, mais certainement pas en Pologne, et pas plus en Tchécoslovaquie. Dans tous ces pays, l'aspiration est une aspiration à une plus grande liberté, à beaucoup plus d'autonomie individuelle et, au fond, à une démocratie qui soit plus authentique. J'aurais bien aimé rejoindre Paris en mai 68, mais cela m'était malheureusement impossible. 1968 reste encore aujourd'hui une énigme pour moi. Je suis très sensible au parallélisme dans l'histoire. En 68, tout le monde a commencé en même temps à se révolter, à protester contre la situation politique. Et d'une manière très étrange, presque perverse, tous ces mouvements ont fini par gagner. Même si, sur le moment, ils avaient tout perdu. Car les étudiants parisiens, comme les réformateurs pragois, avaient tout perdu. En 68, c'était juste le jour de mon anniversaire, le 20, la nuit du 20 qu'ils sont venus, ils m'ont gâché mon anniversaire, et pour toujours. Et c'était un flux ininterrompu. Les chars qui avançaient, ils venaient de la Slovaquie, de l'Est et de l'Hongrie. Alors, dans ce moment, un de ces chars s'était arrêté et on a vu des canons qui tournaient vers nous. Et on était restés paralysés là, parce qu'il y avait seulement un mur à nos épaules, un long mur d'une fabrique. Et dans ce mur, s'était ouverte une porte et ils nous ont tirés dedans et ils nous ont dit « Mais vous êtes fous ici, on pue ». J'avais déjà la certitude qu'il serait venu parce que j'écoutais la radio Moscou et c'était clair qu'ils étaient en train de préparer leur population à ça. Mais personne ne voulait y croire. J'avais conscience que 500 000 soldats n'arrivent pas dans un territoire petit à l'Europe centrale pour rien. Und als die Warschau-Paktstaaten die Prager Frühling niedergeschlagen haben, lorsque les pays du pacte de Varsovie ont écrasé le printemps de Prague avec la participation de la Hongrie, dann j'ai senti que je ne pourrais plus exercer mon métier de journaliste. Nicht mehr arbeiten kann. Ich werde das nicht mehr machen. C'était fini. Und ich habe meine Stelle aufgegeben und ich bin auf dem Lande gegangen und seitdem lebe ich auf dem Lande. J'ai donc démissionné de mon poste pour me retirer à la campagne où je vis encore aujourd'hui. Also Emigration heißt dann, je n'avais pas l'intention d'émigrer. Ein neues Leben anfangen und ein neues Leben mit einer neuen Sprache. Émigrer, c'était commencer une nouvelle vie dans une nouvelle langue. J'en étais incapable. Aber ich habe Freunde gehabt, ich habe Lieben gehabt, also. Mais je n'étais pas non plus sans amis. Selbe oder ähnliche Meinung. Tous avaient des opinions similaires aux miennes. Wie die Deutschen sagen, Aussteiger. Eux aussi étaient comme moi des Aussteiger, comme disent les Allemands, des Outsiders. On avait tous décidé de vivre en marge de la société. Diese Nachkriegsgeneration war eine asketische Generation. Cette génération d'après-guerre était une génération d'ascètes qui s'inspirait de l'exemple de Camus et de Beckett en renonçant à tout. Hat sich nur auf die Essenz pour se concentrer sur l'essentiel. Courtag est l'exemple vivant de cette génération tournée vers l'essentiel. Génération die auf alle unnötige aus dem, il a su jeter par-dessus bord tout ce qui était superflu. Aus dem Schiff geworfen hat, dass dieses Schiff nicht versinken zu lassen. Pour que le bateau ne coule pas. Und das war meine Schule. Courtag, c'était mon école. Et j'avais mon passeport dans la poche depuis le 67. Et je ne voulais pas sortir, vivre dans un autre pays. Jusqu'au 71, j'ai pu suivre vraiment pas après pas comment les pouvoirs étaient en train de nouveau de rétablir un régime et combien le régime était des mensonges et seulement des mensonges. Pour moi, c'était vendre l'âme au diable et pas parce que je juge, mais parce qu'on perd sa liberté intérieure. Et j'ai eu peur là, parce que j'ai vu que déjà, toutes les revues étaient interdites, toutes les maisons d'édition avaient changé de direction. Tous mes amis, avec mes amis, dont, ou des personnes que j'estimais, dans peu d'années, on s'est trouvés tous des dissidents. J'ai connu les grands écrivains, Vatsulik, Kundera, je les ai rencontrés dans cette époque, et j'ai vu que ces grands hommes, à l'improviste, ne pouvait faire rien. C'était horrible, horrible. J'ai vu vraiment cette, Ce couvercle de plomb, était tombé et que c'était impossible d'aller au-delà. Après une sorte d'allocution du président de la République à l'époque, qui soudain a dit à la radio qu'on allait fermer la... Il avait suggéré, il n'avait pas dit très clairement, mais il était évident qu'il pensait refermer les frontières. Et ça, c'était comme un signal vraiment d'alarme. Nous nous sommes retrouvés avec quelques-uns à la faculté ici, à l'université de Prague. Et un ami à moi, qui lui est bien sédentaire et qui ne pensait pas vraiment partir, lui, s'est tourné vers moi pour me dire « C'est le moment de foutre le camp ». Et je dis « D'accord, mais alors demain ?» Et on est parti le lendemain. J'ai pris ce qu'il fallait, pas la machine à écrire, mais ça, un ami me l'avait apporté plus tard à Paris. Et voilà, je suis parti pour 40 ans. Cette aspiration récurrente à, non pas nécessairement à l'individualisme, mais à la priorité accordée aux personnes, le droit de la personne. Après tout, la notion de personne, il me semble qu'au sens philosophique, c'est ce qu'on retrouve de manière très impressionnante en 1848, avec la révolte des peuples. C'est ce qu'on retrouve dans l'Europe immédiatement à la fin de la Première Guerre en 1918. Dans pratiquement tous les pays européens, il y a des mouvements de révolte, de révolution, qui aspirent tous à une transformation profonde qui fasse des différents pays de l'Europe, des pays démocratiques, mais aussi des pays solidaires. Et c'est ce qu'on a retrouvé en 1989. Alors, ce qu'il y a de triste, on pourrait dire aussi dans l'histoire européenne, c'est que jamais ces mouvements n'ont été totalement victorieux. Après, il y a toujours des reprises par les pouvoirs en place, mais n'empêche que ce qui a existé à un moment, même si ça n'a pas de suite immédiate, n'est pas oublié. Parce que dans tous les pays européens, il y a des souvenirs forts de ces moments de révolte, de libération. Parce que la révolte, c'est pas la révolte en soi. Ce qui est important, c'est l'auto-affirmation pour se libérer. L'Europe a été un mot d'ordre de la dissidence à partir de la deuxième moitié des années 70 et des années 80. En France, on connaît tous le texte de Kundera, L'Occident kidnappé, qui est publié en 1983. Et qui propose une géopoétique très claire. Kundera dit il y a une Europe centrale à l'exclusion de la Russie, hein, qui fait partie de l'Europe. La Russie n'est pas européenne, l'Europe centrale, elle, l'est, et il faut que cesse ce rapt d'une partie de l'Europe. Donc c'est une conception géopolitique très claire, hein, très anti-russe, bien sûr, qui a été contesté depuis, hein, évidemment. Voilà, il y a eu un immense espoir, je pense, qu'on peut voir hein, d'ailleurs jusqu'au début des années 2000, hein, enfin, jusqu'à l'intégration de ces pays dans l'Union européenne. Die Erfahrungen bis 1989 lagen für mich ja immer im Bereich des Ostblocks. Jusqu'en 1989, tout ce que j'ai vécu, je l'ai vécu dans le bloc de l'Est. C'est seulement en novembre 89 que je suis allé pour la première fois à l'Ouest. Auparavant, je ne connaissais que la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et une partie de l'URSS. C'était ces pays-là qui m'étaient familiers. Berlin, 1989, chute du mur. Quand le mur est tombé, je dormais. Je ne l'ai appris que le lendemain matin. C'était bien sûr quelque chose de formidable. Mais pour moi, cela faisait partie d'un tout. D'une conquête progressive de notre liberté. Und dass die Mauer auch zu fallen hatte, das war klar. Il était évident pour nous que le mur allait tomber. Dass es so kam, war überraschend. Ce qui était plus surprenant pour nous, c'était la tournure que les choses prenaient. Sehr, sehr freudiges Ereignis. Je me réjouissais de cet événement, bien sûr, mais je commençais à être un peu sceptique quand je voyais tous ces gens qui se ruaient à l'ouest. J'avais peur que plus personne ne vienne à nos manifestations, qu'il ne reste plus personne sur place pour faire le boulot. C'est pour cela que j'ai un peu attendu. Je me suis rendu à Berlin-Ouest seulement 3 ou 4 semaines après la chute du mur. Das Eigenartige war, dass wir sind mit dem Auto über die Grenze gefahren. Et en traversant la frontière en voiture. Und merkten plötzlich, dass wir überhaupt keine Ahnung von West-Berlin. Je me suis alors rendu compte que je ne savais rien de l'autre côté. Berlin zu kommen, was wir dann tun würden, war. Que je ne pouvais absolument pas m'imaginer à quoi ressemblait Berlin-Ouest. Darauf konzentriert auf diesen Grenz. Mon seul but avait été de franchir la frontière. Also ich war in West-Berlin und ich hatte je m'étais installé à Berlin-Ouest. In den Jahren nach, also als ich nach et je travaillais dans une maison d'édition qui publiait beaucoup d'auteurs de l'Est et de la RDA. Das heißt, wir hatten auch immer wieder Kontakt. Nous avions donc beaucoup de contacts avec l'Est, comme on disait à l'époque. Und Marie-Louise Knott. Es gab sozusagen eine il régnait une drôle d'ambiance avant la chute du mur à Berlin. War das so, dass man mitfieberte mit den on suivait tout ce qui se passait avec une grande fébrilité, surtout les manifestations de Leipzig et puis la grande manifestation de Berlin. Dass man eigentlich aber nicht wusste, was et on ne pouvait absolument pas prévoir ce qui allait se passer. On ne pouvait vraiment pas l'imaginer. Et tout est allé très vite. Je me souviens encore du soir où le mur est tombé. Nous sommes allés à la porte de Brandebourg simplement pour regarder. Le lendemain, tout le monde déambulait sur le Kudamm. On faisait des allées et venues sur ce grand boulevard. On marchait et on regardait. Ce n'étaient pas les magasins qu'on regardait, c'était les gens. Les Berlinois de l'Est regardaient ceux de l'Ouest et inversement. C'était comme une fête. Comme un drôle de mariage. Когда пала стена за несколько дней до этого, когда мне было совершенно понятно, что она падет, c'était quelques jours avant la chute du mur que je sentais imminente. Я со своим сыном. J'avais voulu montrer le mur à mon fils avant qu'il disparaisse. Я хотел своему сыну показать. Леонид Гершович. Чтобы он еще успел увидеть эту стену. И мы быстро поехали из Ганновера в Берлин. Nous étions vite partis de Hanovre pour nous rendre à Berlin. Посмотреть, мы подошли к стене. Около стены стояла толпа. Du côté occidental, il y avait foule. С одной стороны, на немецкой стороне, а на белой черте. Devant le mur, sur le trait blanc qui figurait la frontière, проявлялась граница. Se tenaient 3 officiers est-allemands. Стояло 3 ГДРовских офицера. Они dire qu'il faisait pitié est peu dire. C'était un spectacle pathétique. Les gens criaient, les insultaient, les menaçaient. Et ils devaient supporter cela en silence, le visage impassible. Nous nous sommes écartés de la foule. Et profitant de nos passeports israéliens qui nous donnaient, comme à tout étranger, le droit de visiter Berlin-Est pendant 12 heures, je l'avais déjà fait à quelques reprises, nous avons traversé la frontière. C'était toujours une expérience extraordinaire, comme dans un conte terrifiant. On franchit une porte dans un mur, et on se retrouve dans un autre monde. Je me doutais bien qu'on ne nous laisserait pas pénétrer dans Berlin-Est. Et c'est ce qui s'est passé. Berlin-Est était en effervescence. Des gens étaient sortis dans les rues avec des banderoles. С лозунгом «Wir sind das Volk». Wir sind das Volk. В это время как раз приехал Горбачев. Berlin, который... Gorbatchev était justement en visite à Berlin et avait annoncé la bonne nouvelle à Honecker, à savoir que l'URSS ne le soutiendrait pas. La chute du mur de Berlin a été pour moi l'un des moments les plus extraordinaires de ma vie. Une véritable catharsis. Les Allemands de l'Ouest, ceux que je fréquentais, mes collègues, ne réalisaient pas du tout que l'on assistait au dernier jour de l'Allemagne de l'Est. Ils croyaient que cet État allait vivre encore longtemps. Mon expérience soviétique et humaine, tout simplement, me soufflait qu'il n'existe rien d'éternel et qu'un régime peut s'écrouler d'un seul coup. On disait avec des amis exilés, que la chute du régime était la dernière saloperie que les communistes nous ont faite. Parce que il fallait tout recommencer. Nous, ben bon, ici le pays aussi, mais même personnellement, tant qu'on vivait en quelque sorte à l'abri de ce qu'on avait quitté grâce au mur qui nous séparait, il y avait c'est difficile à expliquer, mais on respirait tranquille, beaucoup plus qu'après. Je n'étais pas pressé pour revenir vers Prague, mais finalement, d'un élan assez naturel, je me suis décidé à la dernière minute parce que j'avais peut-être vaguement senti que la fête le réveillon de la fin de l'année sera quelque chose d'un peu étonnant. On se trompe toujours parce que finalement, des amis m'ont enlevé littéralement pour m'amener à la campagne. Je n'étais pas ici pendant les événements historique sur la place où on avait cassé je ne sais pas combien de bouteilles, mais je sais que la place Wenceslas était couverte de tessons qui étaient aussi des tessons du régime. Bon, ça avait certainement un certain pathos, mais comme je n'avais pas vécu ici, peut-être que je n'avais même pas droit de participer à cette fête-là ou de cette façon-là. C'était leur fête. Mais le mur le plus important, c'était le mur qui séparait le monde russophone de l'Occident. Quelques mois plus tard, en 1990, je me suis rendu à Leningrad. C'était déjà possible. Pour la première fois depuis 17 ans, je me retrouvais dans la ville où j'étais né. Où tout se disait et s'écrivait en russe. Je n'étais plus un sourd muet, j'entendais et comprenais tout. Je me suis retrouvé dans la rue par une nuit blanche. C'était une belle nuit. Quand la ville devient fantastique, spectrale. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'a commencé la troisième et dernière phase de mon existence d'écrivain. Tout repartait à zéro. Все началось заново. Я перестал быть эмигрантом. J'ai cessé d'être un émigré. В известной степени. Я стал печататься там. J'ai commencé à publier là-bas, à y aller régulièrement. Хотя никаких великих иллюзий относительно будущего России у меня не было. Sans pour autant nourrir d'illusions concernant le futur de la Russie. Et je suis convaincu que pour comprendre la réalité actuelle de l'Allemagne de l'Est, il faut prendre en compte tout ce qui s'est passé au centre et à l'Est de l'Europe. gibt es, glaube ich, Ähnlichkeiten, die... Car il ne s'agit pas tant de ce qu'on a vécu avant 89. Geht oder gar nicht in erster Linie, was man vor 89 erlebt hat. Même si cela joue et jouera toujours un rôle important. Aber genauso, sagen wir, genauso bedeutsam ist, glaube ich, il s'agit surtout de ce qui s'est passé après. Also dieser Schock, ce terrible choc économique qui a secoué toute l'Europe de l'Est au début des années 90, Allemagne de l'Est compris. DDR, un choc qui a eu d'énormes répercussions au sein de toutes les familles. Hinterlassen hat. Also viele haben vollkommen neue Arbeit. Et qui a contraint beaucoup de gens à chercher de nouveaux emplois. Das ist von heute auf morgen alles umgekrempelt. Du jour au lendemain, tout a été chamboulé. Prägt, glaube ich, das hat zu einer Generation so eine Erschütterung. Cela a secoué et secoue encore toute notre génération. Es gab ja plötzlich après 1989, il n'y a plus eu aucune alternative à l'économie de marché capitaliste. J'ai eu une vision tout de suite et que j'ai jamais oubliée parce que je pense qu'elle n'était pas une erreur. Parce que déjà, moi, ma vision de la société occidentale, ce n'est pas cette vision du paradis, du jardin d'Éden. J'ai vu comme un paysage de montagne. Si vous faites du ski, vous savez qu'il y a des moments où on ne voit pas bien où on va et on doit s'arrêter parce qu'il peut y être tout un mur, tout un précipice, tout un quelque chose. Alors, j'ai vu que les Occidentaux étaient déjà là, qu'ils voyaient l'abîme et que les gens de l'Est couraient pour les rattraper et oublier de freiner parce qu'ils ne voyaient pas, ils se fiaient et ils voulaient arriver encore plus loin de ce qui était déjà là à regarder dans l'abîme. Et ça me retourne beaucoup, cette image. Après la chute du mur de Berlin, un espoir est né. Ce nouveau rêve est venu ranimer ceux qui aspiraient à une autre vie. Pourquoi cela s'est-il disloqué? Les gens n'ont peut-être pas eu ce qu'ils attendaient. L'attente est sans doute difficile. Ceux qui voulaient tout avoir tout de suite, comme les enfants, ont donc perdu la patience nécessaire à une telle expérience. Ils sont partis de l'autre côté. Perdre l'Europe, avec Jörgi Kurtág, compositeur, Petr Kral, poète, Christiane Lupa, dramaturge, Clara Royer et Étienne François, historiens, Ingo Schulze, Marie-Louise Knott, Sylvie Richterova, Leonid Gershovitch et Peter Nadasch, écrivains. Voix. Claude Aufort, Patrice Bornand, Laurent Lederer et Andrea Schiffer. Traduction, Lou Elio, Luba Jorgensen, Agnieszka Zgieb. Documentation, Maria Contreras. Mixage, Alain Joubert. Une émission de Christine Le Cerf, réalisée par Franck Lilin. Demain, perdre l'Europe, la croisée des chemins. Thank you. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter à Prenzlauer Berg, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, dernier épisode, la croisée des chemins. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Et ne ratez pas les autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, La fabrique de l'histoire, L'expérience, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.